un jour de neige. Je me rappelle, j'entends des gens qui s'appellent et qui courent dans ma cour rue de Liège. Et je suis là, une femme vide. Et je regarde cette ride et je meurs d'une écharde dans le cœur. Mais autour de moi, le monde tourne autour de toi. C'est ton absence qui commence. Le temps se pose sur les choses. Ta vie était ici. Ta vie n'est plus ici. Et ton ombre passe dans ce décor à marée basse. Hier encore, je te touchais, je t'embrassais, je te serrais. Ta vie était ici. Ta vie était ici. Et rue de Liège, j'entends ces gens. Arpège hésitant d'un enfant là-haut sur son piano. La neige tombe, douce colombe. Je n'aurais pas avec toi cet enfant que la vie me défend. Et que j'aille à mon travail, il faut sortir, marcher, courir. Même sans amour, la vie, ça se vit tous les jours. Ta vie n'est plus ici. Ta vie n'est plus ici. Les jours passeront, les soleils se relèveront, et les oiseaux rechanteront, et tous ces mots qui tournent en rond. Ta vie de Liège, j'entends ces gens, mais les arpèges hésitants d'un enfant là-haut sur son piano. La neige tombe, douce colombe, et je regarde cette ride. Et je meurs d'une écharde dans le cœur. Et je regarde cette ride et je meurs d'une écharde dans le cœur.